Jean-Baptiste Ndikomanyanga. Recoumana sur la mise en onde. Bienvenue, chers auditeurs et auditeurs de la radio Sanganeroso, journal et édition de la mi-journée, dont voici d'abord le sommaire. Présentation ce jeudi à l'Assemblée nationale du rapport annuel de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Mais le président de l'Assemblée nationale, Jelaz Daniel Ndabirabe, parlait d'un rapport déséquilibré concernant uniquement le gouvernement, vous l'entendrez dans ce journal. 2800 retraités et immatriculés sont désormais les bénéficiaires des salaires équivalents aux derniers mois de 2020 à 2023, l'année 2020 ayant été prise comme référence dans la nouvelle politique de protection sociale. Les détails, c'est dans ce journal avec le directeur général de l'Institut national de sécurité sociale. Et la récolte du maïs a été bonne pour la saison culturelle en province de Tiankouzo. Le directeur provincial de l'environnement, agriculture et élevage en cette province appelle au non-écoulement de cette production vers les marchés. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la protection sociale. Les plus de 2800 retraités immatriculés à l'INSS recevront le paiement du salaire équivalent au dernier mois de 2020 à 2023, l'année 2022 étant prise comme référence dans la nouvelle politique de protection sociale. Déclaration du directeur général de l'Institut national de sécurité sociale, INSS, qui précise qu'une commission est à l'œuvre pour la mise en application effective de cette politique. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. L'étude pour la réforme a été faite par une commission technique qui travaille sous la supervision de la primature. Nous attendons le rapport final ou les instructions qui seront données à partir de ce rapport et pour que nous puissions mettre en application ce qui nous sera recommandé. Toutefois, nous ne sommes pas très loin de ce travail. Le rapport a montré que les vœux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sont applicables. Mais on a aussi soulevé quelques défis, étaient notamment la disponibilité du cadre légal. Quelle est l'année de référence du paiement pour les retraités? Comme son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a bien dit, l'année de référence, c'est l'année 2020. Les retraités qui ont terminé leur carrière à la fin de l'année 2020 sont bénéficiaires de cette pension et harmonisée. Mais j'aimerais apporter une clarification sur ça. Et ça ne concerne que les travailleurs dont le salaire émerge sur le budget de l'État. Ce sont qui sont concernés par l'année de 2020. Et pour les autres, la commission des experts a projeté ça en 2023. Le directeur général de l'ONICS sera notre invité dans les dernières minutes de ce journal. Cap sur Tiankouzo, où à peu près 80% de la récolte de maïs sont attendues en province Tiankouzo au cours de la saison culturelle. Ah, c'est du moins la confirmation du directeur de l'environnement, agriculture et élevage en province Tiankouzo. À la même direction, l'on affirmait que la culture du maïs a été priorisée pendant la saison culturelle A par rapport à d'autres cultures. Et pour la préparation de la saison culturelle B, l'on signale que 400 tonnes d'engrais organominéral et 186 tonnes de chaux sont disponibles. Les agriculteurs sont appelés à récupérer cette fumure. Les détails avec Rimo Moudente. Même si les champs de riz de la vallée de la Rumhungwe en commune Tchendajuru et Rugasari en commune Tchanguzo ont été inondés par les pluies diluviennes, ainsi que la tombée de la grève en commune Kigamba, plus précisément sur les collines de Lusagara et Buyongwe, endommagé les cultures, comme cela a fait l'objet d'échanges ce mercredi au cours d'une réunion des intervenants dans le secteur agricole à Tiankouzo. Mekile Ndereye, directeur de l'environnement, agriculture et élevage en plein Tiankouzo, interrogé par les journalistes, a dit que ces aléas n'ont pas touché beaucoup de champs. Selon lui, à peu près 80% de la récolte de maïs sont attendus dans toute la province de Tiankouzo. Son directeur confirme que les agriculteurs ont priorisé le maïs pour la saison culturelle A. Et de conseiller les agriculteurs de ne pas gaspiller la récolte du maïs déjà en cours. Il demande plutôt à ces agriculteurs de bien conserver le maïs dans les sacs appropriés qui évitent les insectes rongeurs. Et quant à la préparation de la saison culturelle B, la direction de la culture à Changzhou parle de plus de 400 tonnes de fumier organominéral et de 180 tonnes de chaux disponibles dans les stocks de Changzhou. Les partenaires qui appuient le secteur agricole à Changzhou se sont engagés d'honorer leur engagement de donner les semences aux agriculteurs avant le 20 février de cette année. Certains d'entre eux disent que les boutures de manioc, de patates douces, les semences de haricots et de soja et d'autres sont déjà disponibles. Depuis Changzhou, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Merci à Raymond Mudende. Retour sur la protection sociale. L'organisme d'assurance maladie de base prend en charge seuls les soins dispensés sur le territoire national. Le code de la protection sociale au Burundi précise que seuls les médicaments mentionnés sur la liste établie par une ordonnance conjointe des ministres ayant respectivement la tutelle de l'organisme et la santé dans leurs attributions sont pris en charge par l'organisme gestionnaire du régime, n'est-ce pas, Omer Ndouachou? L'article 32 de la deuxième partie portant sur les conditions du service de prestation dans la deuxième section du chapitre 2 de ce code rappelle que le personnel médical et paramédical dispose de la liberté de prescription des soins médicaux. Il signale entre autres que seuls les médicaments figurant sur la liste établie par une ordonnance conjointe des ministres ayant respectivement la tutelle de l'organisme et la santé publique dans leurs attributions sont prises en charge par l'organisme gestionnaire du régime. Toutefois, ajoute l'article 32, le ministre ayant le travail dans ses attributions est consulté lors de l'élaboration de la liste. L'organisme d'assurance maladie de base ne prend en charge que les soins médicaux dispensés sur le territoire national, mentionne l'article 33 de la même partie. Passons maintenant à l'article 40 de la troisième section portant sur le régime des risques professionnels. Dans ce même chapitre, il définit l'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail. En plus, l'article 41 ordonne d'autres sortes d'accidents considérés comme accidents du travail. Au premier rang, c'est l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour entre sa résidence habituelle ou le lieu où il y prend ordinairement ses repas et le lieu où il effectue son travail ou reçoit sa rémunération dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités de la vie courante ou indépendant de l'emploi. Secundo, c'est l'accident survenu pendant les voyages effectués sur ordre de l'employeur et dont les frais sont supportés par celui-ci ou par d'autres sources de financement. Au troisième lieu, vient l'accident survenu le premier jour sur le trajet de départ en congé et le dernier jour sur le trajet de retour du congé, moyennant la production d'un titre de congé. À ce point, l'employeur est tenu de déclarer à l'organisme de protection sociale, dans un délai affixé par le texte régissant le régime, tout accident de travail ou de trajet dont sont victimes les salariés occupés dans l'entreprise, stipule l'article 42. Droits de l'homme à présent, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Dr Sixte Vignini Muraba, est en train de présenter le rapport annuel à l'Assemblée nationale. Et cela étant, le président de l'Assemblée nationale trouve que le rapport de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme soit déséquilibré. C'est ce jeudi lors d'une plénière de l'Assemblée nationale avec invité le président de la CNDH, honorable Daniel Djilaz Ndabirabe, regrette que le rapport ne parle que d'un seul côté, le gouvernement. On l'écoute dans cette traduction dans les Désirés Boukienet. Rapport déséquilibré. Après avoir eu le rapport annuel de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, nous le trouvons déséquilibré. C'est-à-dire que le rapport ne devrait concerner que deux parties, mais hélas, seul le gouvernement apparaît dans ce rapport. Vous mentionnez les initiatives du gouvernement et vous les appréciez, ainsi que des irrégularités. Cependant, vous ne parlez que du gouvernement alors que l'autre partie reste cachée. C'est pourquoi nous nous demandons pourquoi cette autre partie n'apparaît pas. Est-ce que le gouvernement parle à lui-même? Si ce n'est pas le cas, où est l'autre partie de manière que votre commission soit une commission nationale indépendante des droits de l'homme? Vous vous basez sur quoi? Les droits de l'homme sont bafoués quand le représentant du gouvernement commet un délit. Explication du président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme après être accusé de donner un rapport déséquilibré. Suivez Dr Sixte Vigny Nimuraba, président de la CNDH, traduit en français par Lundas Kirombo. Vous venez de nous dire que le rapport annuel transmis ne concerne qu'une partie. Je tiens à vous répondre que le rapport que nous produisons se focalise sur l'état des lieux des droits de l'homme conformément à la loi numéro 1/04 du 5 janvier 2021 qui nous demande de donner un rapport annuel contenant nos réalisations et l'état des lieux des droits de l'homme et surtout comment le gouvernement respecte les droits de l'homme parce qu'on dit que les droits de l'homme sont perturbés quand un représentant du gouvernement dans n'importe quel secteur commet un délit ou quand ce dernier n'a pas aidé un citoyen à jouir de ses droits. Mais quand il y a d'autres crimes qualifiés de crimes de droit commun, ce ne sont pas les droits de l'homme qui sont mis en cause, mais dans ce cas, les autorités habilitées, surtout celles de la justice et de sécurité, sont interpellées à redresser celui qui a violé la loi. À la source, interview. Place à l'invité du journal, le général-major Emmanuel Mouburo, directeur général de l'Institut de sécurité sociale INSS, s'entretient avec Mireille Kanyang sur la protection sociale dans cet institut. On l'écoute. Général-major Emmanuel Mibouro, vous êtes directeur général de l'INSS. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui, en 2022, le nombre d'affiliés, si vous les appelez ainsi, que vous avez? Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui, en 2022, le nombre d'affiliés, si vous les appelez ainsi, que vous avez? J'aimerais porter une clarification sur les termes que nous utilisons ici. Nous parlons des affiliés et quand nous faisons allusion aux employeurs et les immatriculés, quand nous faisons allusion aux travailleurs. Donc, aujourd'hui, les effectifs que nous avons 11 371 affiliés. Nous avons à côté, nous avons 228 et 79 immatriculés. Si vous regardez la situation, disons, de l'INSS vis-à-vis des cotisations de la part de ses affiliés, de la part de ses immatriculés, l'INSS est-il aujourd'hui capable d'honorer ses engagements? L'INSS est capable d'honorer ses engagements, bien qu'il y a une étude qui a été menée ici, l'étude actuelle, comme on l'appelle, et sur la santé financière de l'INSS. La conclusion a été que la santé financière de l'INSS n'est pas bonne. Et si de grandes actions visant à améliorer les revenus ne sont pas menées, l'INSS pourrait avoir des problèmes dans l'avenir. Cette étude a été faite, mais ce que nous affirmons, et que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun problème et pour honorer les engagements de l'INSS. Général-major Emmanuel Mibouro, vous êtes directeur général de l'INSS. Merci de nous avoir accordé cette interview exclusive. Et nous vous remercions, nous aussi. Voilà, c'est sur l'invité du journal que se referme cette édition. Mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel des titres. Présentation ce jeudi à l'Assemblée nationale du rapport annuel de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Le président de l'Assemblée nationale, Gérald Daniel Davila, avait parlé des rapports déséquilibrés concernant uniquement le gouvernement. 2800 retraités immatriculés sont désormais les bénéficiaires des salaires équivalents au dernier mois de 2020 à 2023. L'année 2020 ayant été prise comme référence dans la nouvelle politique de protection sociale, déclaration du directeur général de l'Institut national de sécurité sociale. Et la récolte du maïs a été bonne pour la saison culturelle en province Tchankouzo. Et le directeur provincial de l'environnement, agriculture et élevage en cette province appelle au non-écoulement de cette production vers le marché. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci à Rekouimana pour sa parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzukubananga. Un bon après-midi à toutes et à tous.